Hey, Flo Flo, qui me fait à la toi? Positive. Nous décompresser, mettre la joie dans les quais. Quand tout la peine a erré, un noir boy bat nous fait un sérénade. Eh oui, nous fait un sérénade. Toi et moi, comment nous t'as nous mettre la gamme. Quand allons dans la cour, soit nous allons dans la salle. Nous égal, ta maman, pas bisé amalgame. Comme dit Jean-Claude Van Damme. La gamme, dans un long dans la cour, soit nous allons dans la salle. Nous égale ta maman, ma bise est amalgame, comme tu sors tout van d'âme. Nous coumons, nous donnons toi, dans festin de besoin. Tous la table en côté, ta dame son papa n'a pas batté. Pour l'ambiance, c'est qu'à me dérouler, tous les ce qu'il a réservé. Quand tout la peine a erré, elle n'en voit pas. Sérénade, et oui, nous faisons sérénade. Toi et moi, comment nous t'en limite la gamme. Dans un long dans la cour, soit nous allons dans la salle. Nous égale ta maman, ma bise est amalgame, comme dit Jean-Claude Van Damme. Toi et moi, comment nous t'en limite la gamme. Bye.